C'est toi, par Edgar Allan Poe. Je vais maintenant jouer à l'Œdipe pour l'énigme de Rattleborough. Je vous expliquerai, comme seul je puis le faire, le secret du mécanisme qui réalisa le miracle de Rattleborough, ce miracle unique, authentique, reconnu, incontesté et incontestable, qui mit définitivement fin à l'incrédulité parmi les habitants de Rattleborough et convertit à la foi de nos grands-mères tous les esprits matérialistes qui s'étaient auparavant risqués à être sceptiques. L'affaire, que je serais désolé de discuter sur un ton de malséante légèreté, se passa dans l'été de 1800 et quelques. M. Barnabas Shuttleworthy, un des plus riches et des plus respectables citoyens du village, avait disparu depuis plusieurs jours dans des circonstances qui semblaient suspectes. M. Shuttleworthy était sorti de Rattleborough très tôt, un samedi matin, à cheval, dans l'intention qu'il n'avait pas caché de gagner la cité de X, distante d'une quinzaine de milles, et de revenir dans la soirée du même jour. 2 heures après son départ, cependant, son cheval était revenu sans lui et sans les sacoches qui lui avaient été fixées sur le dos. En outre, la bête était blessée et couverte de boue. Ces circonstances avaient naturellement causé une vive inquiétude chez les amis de l'absent, et quand on constata, le dimanche matin, qu'il n'avait pas encore reparu, le village entier décida, comme un seul homme, de se mettre en quête du cadavre. Le premier, le plus ardent à organiser les recherches, fut le plus cher ami de M. Shuttleworthy, un M. Charles Goodfellow, ou comme on l'appelle toujours, Charlie Goodfellow, ou encore, le bon vieux Charlie Goodfellow. Que ce soit une merveilleuse coïncidence, ou que le prénom lui-même ait un effet que nous ignorons sur le caractère de celui qui le porte, je n'ai jamais été capable, jusqu'à présent, de le déterminer avec certitude. Mais le fait est indiscutable que nous n'avons encore jamais vu une personne prénommée Charles qui ne fût franche, fière, honnête, ayant le caractère heureux et le cœur ouvert, une personne à la voix chaude et cordiale, de ces gens qu'on a plaisir à entendre et qui vous parlent en vous regardant bien en face, comme pour vous dire « J'ai bonne conscience, je ne crains personne et je suis incapable d'une mauvaise action ». C'est pourquoi d'ailleurs, tous les figurants, débonnaires et nonchalants, qui font la foule sur la scène, sont immanquablement prénommés Charles. Le bon vieux Charlie Goodfellow donc, bien qu'il n'eût pas habité Rattleborough depuis plus de 6 mois, ou à peu près, et encore que nul ne sut quoi que ce fût de ce qu'avait été sa vie avant qu'il ne vînt s'installer dans la région, n'avait pas éprouvé la moindre difficulté à entrer en relation avec tous les gens honorables du village. Parmi les hommes, il n'en était pas un qui, à quelque moment que ce fût, n'aurait pris sa parole pour argent comptant. Quant aux femmes, il n'y a pas de mots pour dire ce qu'elles n'auraient pas fait pour lui être agréable. Et tout cela venait de ce qu'il avait été baptisé du nom de Charles, et de ce qu'il possédait en conséquence ce visage plein de franchise dont le proverbe dit qu'il est la meilleure des lettres de recommandation. J'ai déjà dit que M. Shuttleworthy était un des hommes les plus respectables de Rattleborough, et incontestablement le plus riche. J'ai dit aussi que le bon vieux Charlie Goodfellow était avec lui aussi intimement lié que s'il avait été son propre frère. Les 2 vieux gentlemen habitaient porte à porte, et bien que M. Shuttleworthy rendit rarement visite au vieux Charlie, s'il le faisait jamais, et bien qu'on n'eût jamais eu connaissance qu'il eût pris un repas chez lui, cela n'empêchait pas les 2 amis d'être extrêmement intimes, ainsi que je viens de le dire. Le vieux Charlie ne laissait pas passer un jour sans se rendre 2 ou 3 fois chez son voisin pour voir comment il allait. Et il lui arrivait très souvent d'y rester pour le petit déjeuner ou le thé, et presque toujours pour le dîner. La quantité de vin qui était alors expédiée en une seule séance par les 2 compères, il sera vraiment difficile de la préciser. La boisson favorite du vieux Charlie était le Château Margaux. Il semblait que cela réjouit le cœur de M. Shuttleworthy de voir le gaillard entonner vers sur vers. De sorte qu'un jour, le vin étant à l'intérieur et l'esprit, par voie de conséquences naturelles, se trouvant plutôt à l'extérieur, M. Shuttleworthy dit à son camarade, tout en lui administrant une claque dans le dos, « Je ne vous le cache pas, vieux Charlie, vous êtes, et de loin, le plus chic type que j'ai rencontré depuis que je suis au monde. Et puisque vous aimez engloutir le vin à cette cadence-là, je vais être pendu si je ne vous fais pas cadeau d'une grande caisse de Château Margaux. Dieu me savonne !» M. Shuttleworthy avait la triste habitude de jurer, bien qu'il allât rarement au-delà de « Dieu me savonne ». de par Dieu ou de Dieu de Dieu. Dieu me sabonne, dit-il, si je ne passe pas un ordre en ville cet après-midi même pour une double caisse du meilleur qu'on puisse trouver. Et je vous en ferai cadeau, c'est décidé. Inutile d'ouvrir la bouche, c'est décidé, je vous dis, c'est définitif. Par conséquent, ouvrez l'œil. Elle vous arrivera un de ces quatre matins, juste au moment où vous vous y attendrez le moins. Je mentionne ce petit trait de générosité de M. Shuttleworthy uniquement pour vous montrer que les deux hommes étaient fort intimes et s'entendaient fort bien. Le dimanche matin en question donc, on ne peut faire autrement que de comprendre qu'il était arrivé à M. Shuttleworthy quelque chose de fâcheux. Je n'ai jamais vu personne aussi profondément affligé que le bon vieux Charlie Goodfellow ce jour-là. Quand il entendait dire que le cheval était rentré sans son maître et sans les sacoches, tout sanglant d'un coup de pistolet, qu'il avait traversé le poitrail de part en part, sans le tuer, il devint aussi pâle que si le disparu avait été son frère ou son père bien-aimé, et se mit à frissonner et à trembler de tous ses membres, comme s'il avait été en proie à un accès de fièvre. Au début, il était bien trop accablé de chagrin pour être capable de faire quoi que ce fût ou pour décider de quelque plan d'action. De sorte que, pendant un bon moment, il s'efforça de dissuader les autres amis de M. Shuttleworthy de faire du bruit autour de l'affaire. Il pensait qu'il valait mieux attendre un peu, disons une semaine ou deux, ou un mois ou deux, pour voir s'il n'y aurait pas eu du nouveau, ou si M. Shuttleworthy ne reviendrait pas le plus naturellement du monde en expliquant pour quelle raison il avait renvoyé son cheval auparavant. Je suppose que vous avez souvent observé cette tendance à temporiser et à remettre au lendemain chez des gens qui sont sous le coup de quelques poignantes douleurs. Leurs facultés semblent engourdies, de sorte qu'ils ont horreur de tout ce qui ressemble à l'action, et que rien ne leur paraît plus souhaitable que de s'étendre sur leur lit pour y bercer leurs peines, comme disent les vieilles dames, autrement dit, pour ruminer leurs ennuis. Les habitants de Rattleborough, il faut le dire, tenaient en si haute estime la sagesse et le jugement du vieux Charley, que la plupart d'entre eux inclinaient à être de son avis et à ne pas s'agiter autour de l'affaire jusqu'à ce qu'il y eut du nouveau, selon l'expression même du brave vieux gentleman. Et je crois qu'en fin de compte, c'eût été la décision unanime, sans la très suspecte intervention d'un neveu de M. Shuttleworthy, un jeune homme de vie dissolue, et à tout prendre, de réputation plutôt fâcheuse. Ce neveu, qui s'appelait Pennyfeather, ne voyait rien de sensé dans cette recommandation de ne pas bouger, et insistait pour qu'on recherchât immédiatement le cadavre de l'homme assassiné. Ce fut là l'expression même qu'il employa, et M. Goodfellow, à ce moment même, fit judicieusement observer qu'elle était singulière, pour ne pas dire plus. Cette remarque du vieux Charley fit vive impression sur la foule, et l'on entendit quelqu'un demander comment il se trouvait que M. Pennyfeather fût assez au courant des circonstances de la mort de son oncle, qui était si riche, pour se croire autorisé à affirmer de façon nette et sans équivoque que son parent avait bel et bien été assassiné. Sur quoi il y eut, çà et là, dans la foule, des discussions assez acerbes, notamment entre le vieux Charley et M. Pennyfeather, encore que ce dernier événement ne fût en aucune façon une nouveauté, les deux hommes ne s'entendant plus guère depuis 3 ou 4 mois. Les choses étaient même allées si loin que M. Pennyfeather avait effectivement renversé d'un coup de poing l'ami de son oncle à propos de quelques libertés excessives que le vieux Charley avait prise dans la maison de M. Shuttleworthy, où M. Pennyfeather lui-même habitait. En l'occurrence, le vieux Charley passait pour s'être conduit avec une modération exemplaire et beaucoup de charité chrétienne. Il s'était remis debout, avait rajusté ses vêtements et n'avait pas essayé de rendre coup pour coup, se contentant simplement de marmonner quelques mots où il était question de complète vengeance à la première occasion, explosion de colère naturelle et très légitime, qui d'ailleurs n'avait pas de signification réelle et qui, sans aucun doute, n'exprimait que des sentiments qui devaient être oubliés aussitôt que libérés. Quoi qu'il en ait été de cette affaire, aurait-ce sans rapport avec celle qui nous occupe à présent, il demeure que les gens de Rattleborough, principalement parce que M. Pennyfeather s'était montré persuasif, en vinrent finalement à décider qu'ils se disperseraient dans la campagne voisine pour rechercher le corps de M. Shuttleworthy. Je dois préciser que ce fut leur première résolution. Quand on fut tombé bien d'accord sur la nécessité de faire des recherches, on considéra presque qu'il allait de soi que ceux qui prendraient part se disperseraient, autrement dit, qu'ils se répartiraient en petits groupes pour explorer les environs plus à fond. Mais j'ai oublié par quel raisonnement ingénieux le vieux Charley convainquit finalement l'assemblée que c'était là le plan le moins judicieux qu'on peut suivre. En tout cas, il convainquit tout le monde, excepté M. Pennyfeather. En fin de compte, on décida d'entreprendre des recherches très minutieuses, tous les villageois y participant, en un seul groupe, et le vieux Charley montrant le chemin. Pour ce qui est de ça, il ne pouvait y avoir de meilleur homme de tête que le vieux Charley, dont chacun savait qu'il possédait des yeux de lynx. Mais bien qu'il eût conduit l'expédition dans toutes sortes de coins et de recoins écartés, par des chemins dont nul ne soupçonnait l'existence dans le voisinage, et bien que les recherches se fussent poursuivies jour et nuit pendant toute une semaine, on n'avait malgré cela découvert aucune trace de M. Shuttleworthy. Quand je dis aucune trace, il ne faut pas prendre ces mots à la lettre, car des traces, dans une certaine mesure, il y en avait indubitablement. La piste du malheureux gentleman avait été suivie grâce au fer de son cheval qui était de forme caractéristique, jusqu'à un point situé à 3 000 environ à l'est du village, sur la grande route conduisant à la ville. Là, la piste s'engageait dans un sentier qui traversait un petit bois, pour rejoindre cette même grande route à peu près un demi-mille de distance de là. Suivant les empreintes, le groupe des chercheurs parvint à une mare d'eau stagnante, à demi cachée dans les buissons sur la droite. Au-delà de la mare, on perdait les traces. Il apparaissait qu'une lutte quelconque avait lieu là où il semblait, en outre, qu'un corps gros et lourd, plus gros et lourd que celui d'un homme, avait été traîné du sentier à la mare. Celle-ci fut consciencieusement draguée par deux fois, et les villageois, désespérant d'arriver à un résultat, étaient sur le point de se retirer, quand la Providence suggéra à M. Goodfellow l'idée fort sage d'assécher la mare purement et simplement. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme et l'on félicita chaleureusement le vieux Charley de son intelligence et de sa clairvoyance. Comme bien des villageois, supposant qu'il pourrait être appelé à déterrer un cadavre, avaient emporté des bêches, la mare fut sans peine vite mise à sec. Et on ne vit pas plus tôt le fond qu'on aperçut au beau milieu de la base un gilet noir en velours de soie que presque tous ceux qui étaient là reconnurent immédiatement comme appartenant à M. Pennyfeather. Ce gilet était très déchiré et taché de sang. Plusieurs des membres du groupe se souvenaient fort bien qu'il avait été porté par son propriétaire le matin même du jour où M. Shuttleworthy s'en était allé vers la ville, cependant que d'autres étaient prêts à témoigner, sous serment s'il le fallait, que M. Pennyfeather n'avait pas porté le vêtement en question à aucun moment durant le reste de cette mémorable journée. On ne trouvait personne non plus pour dire que M. Pennyfeather l'avait eu sur lui depuis la disparition de M. Shuttleworthy. Les choses prenaient maintenant un tour très fâcheux pour M. Pennyfeather. Il remarqua, comme une indiscutable confirmation des soupçons qui pesaient sur lui, qu'il était devenu d'une pâleur excessive et que, quand on lui avait demandé ce qu'il avait à dire pour sa défense, il avait été incapable d'articuler un mot. Ce que voyant, les quelques amis que le désordre de son existence lui avait laissé le lâchèrent comme un seul homme, et avec plus d'énergie encore que ses ennemis anciens y avoués, réclamèrent à grands cris son arrestation immédiate. Mais dans le même temps, la générosité de M. Goodfellow s'affirmait par contraste avec beaucoup d'éclat. Il prit avec chaleur et infiniment d'éloquence la défense de M. Pennyfeather, faisant à différentes reprises allusion au pardon sincère qu'il avait lui-même accordé à ce jeune homme impulsif, l'héritier du riche M. Shuttleworthy. Il avait oublié l'insulte que ce jeune gentleman avait cru, sans doute dans un mouvement de colère, devoir lui infliger, à lui, Goodfellow. Il l'avait pardonné, dit-il, du fond du cœur, et pour sa part, bien loin de tirer des circonstances suspectes, des conclusions extrêmes contre M. Pennyfeather, conclusions dont il avait le regret de dire qu'elles étaient. Il ferait, lui, Goodfellow, tout ce qu'il était en son pouvoir de faire. Il emploierait le peu d'éloquence qu'il possédait pour adoucir, autant qu'il pourrait, en conscience le faire, les pires aspects de cette affaire, vraiment embarrassante au plus haut point. M. Goodfellow poursuivit sur ce ton pendant une demi-heure à peu près, ce qui faisait honneur aussi bien à son intelligence qu'à son cœur. Mais les natures généreuses sont parfois mal inspirées dans leurs observations et, dans la chaleur de leurs ailes, à servir un ami, commettent toutes sortes de gaffes, agissant à contresens et mal à propos, avec ce résultat que dans les meilleures intentions du monde, elles font beaucoup plus de tort que de bien à la cause qu'elles veulent défendre. C'est ainsi qu'il en alla dans l'affaire qui nous occupe, avec l'éloquence du vieux Charley, car encore qu'il se donna beaucoup de peine pour défendre le suspect, il se trouva que chacune des syllabes qu'il prononça dans l'intention évidente, mais absurde, de se diminuer lui dans l'estime de son auditoire, eut pour effet de renforcer les soupçons qui pesaient déjà sur l'individu dont il plaidait la cause et de faire monter vers M. Pennefather la colère de la foule. Une des erreurs les plus inexplicables de l'orateur fut l'allusion qu'il fit à M. Pennefather comme à l'héritier du très riche M. Shuttleworthy. Les gens, en fait, n'avaient pas pensé à cela auparavant. Ils s'étaient seulement souvenus de certaines menaces proférées un an ou deux plus tôt par l'oncle, qui n'avait aucun parent vivant, excepté ce neveu, qu'il parlait de déshériter, et ils avaient en conséquence tenu que c'était là une affaire réglée, les habitants de Rattleboro appartenant à une race qui a l'esprit assez simple. La remarque du vieux Charley les amena à reconsidérer la chose sur le champ, en leur donnant à envisager la possibilité que cette menace n'eût été rien de plus qu'une menace, et tout de suite se posa la question logique « Cui bono ?» Une question qui, plus encore que le gilet, tendait à fixer le crime sur les épaules du jeune homme. Ici, par crainte d'être mal entendu, je voudrais qu'on me permît une brève digression, simplement pour faire observer que ces deux mots de latin élémentaire que je viens d'employer sont invariablement mal traduits et mal compris. Cui bono? Dans tous les romans succès et ailleurs, dans ceux par exemple de Mrs. Gore, l'auteur de Cécile, une dame qui vous fait des citations dans toutes les langues du monde, du Chaldéen au Chickasaw, et qui systématiquement puise connaissance, quand besoin, dans M. Beckford, dans tous les romans succès, dis-je, depuis ceux de Bulwer et Dickens, jusqu'à ceux de Turnapenny et Ainsworth, les deux petits mots latins, cui bono, sont rendus par dans quelle fin, ou, comme s'il s'agissait de quo bono, par à quelle utilité. Leur véritable sens, cependant, est pour le bénéfice de qui. Cui pour qui, bono, est-ce profitable? C'est une interrogation purement juridique, applicable précisément dans des affaires du genre de celles que nous examinons en ce moment. Affaires où les chances qu'un tel soit l'auteur du crime dépendent des probabilités qu'il y a pour que ce crime lui ait été profitable. Dans le cas présent, la question cui bono incriminait nettement M. Pennefather. Son oncle, après avoir rédigé un testament en sa faveur, avait menacé de le déshériter. La menace n'avait pas été exécutée. Il apparaissait en effet que le testament original n'avait pas été modifié. Eût-il été changé, le seul mobile qu'on eût pu supposer au meurtre, en ce qui concernait le suspect, eût été un banal désir de se venger, lequel eût vraisemblablement été combattu chez M. Pennefather par l'espoir de rentrer dans les bonnes grâces de son oncle. Mais le testament étant resté inchangé, et la menace d'une modification demeurant suspendue sur la tête du neveu, on trouvait là le plus solide des mobiles pour l'horrible crime, et c'est ce que conclurent, dans leur sagesse, les estimables citoyens de Rattleboro. M. Pennefather fut donc arrêté sans plus tarder, et l'expédition, après quelques recherches supplémentaires, reprit le chemin du village, le prisonnier sous bonne garde. En chemin, cependant, un autre incident survint qui tendit à confirmer les soupçons qu'on avait déjà. On vit soudain M. Goodfellow, que son zèle incitait à se tenir toujours un peu en avant des autres, faire quelques pas en courant, se baisser et, sembla-t-il, ramasser dans l'herbe quelques petits objets. On remarque ensuite qu'après l'avoir rapidement examiné, il esquissait comme une tentative de le cacher dans la poche de sa veste. Mais son geste avait été vu, ainsi que je l'ai dit, et on ne lui permit pas de l'achever. On s'avisa qu'il s'agissait d'un couteau espagnol qu'une douzaine de personnes reconnurent immédiatement comme appartenant à M. Pennefather. D'ailleurs, ses initiales étaient gravées sur le manche. Le couteau était ouvert et la lame ensanglantée. Aucun doute ne subsistait désormais sur la culpabilité du neveu qui, dès qu'on eut regagné Rattleboro, fut conduit devant un magistrat pour interrogatoire. Là, les choses prirent de nouveau pour lui un tour défavorable. Le prisonnier, questionné sur ce qu'il avait fait le matin de la disparition de M. Shuttleworthy, eut l'audace insigne de reconnaître que ce jour-là, il était sorti avec son fusil pour aller chasser le daim à l'affût dans les parages mêmes de la mare où, grâce à l'intelligence de M. Goodfellow, on avait retrouvé le gilet taché de sang. De ce Goodfellow s'avança alors, et les larmes aux yeux, pria qu'on voulût bien l'entendre. Il déclara que le sens profond qu'il avait de ses devoirs envers le Créateur, aussi bien qu'envers ses semblables, ne lui permettait pas de garder le silence plus longtemps. Jusqu'alors, l'affection très sincère qu'il portait à M. Pennefeather, nonobstant la façon indigne dont le jeune homme s'était conduit à son égard, l'avait poussé à faire toutes les hypothèses que l'imagination put concevoir pour essayer d'expliquer, comme normal, ce qu'il pouvait y avoir de suspect dans les faits qui parlaient si hautement contre M. Pennefeather. Mais ces faits n'étaient maintenant que trop convaincants, trop écrasants. M. Goodfellow ne balancerait pas plus longtemps, il dirait tout ce qu'il savait, encore que cela exigeât de lui un effort qui lui fendait le cœur. Poursuivant, il déclara que la veille du départ de M. Shuttleworthy pour la ville, dans l'après-midi, le cher vieux gentleman avait dit à son neveu, M. Goodfellow avait entendu le propos, qu'il se rendrait à la ville le lendemain pour y faire le dépôt à la Farmers Merchants Bank d'une somme d'argent d'une importance considérable, et qu'ensuite ce même M. Shuttleworthy avait tout net annoncé à son neveu sa détermination irrévocable d'annuler son testament antérieur et sa volonté de ne pas laisser au dit neveu le moindre shilling. Ayant dit, le témoin jura solennellement l'accusé de déclarer si oui ou non il avait dit la vérité, jusque dans le plus infime détail. Au grand étonnement de tous les assistants, M. Pennefeather admit franchement que tout était vrai. Le juge estima alors qu'il était de son devoir d'envoyer une paire d'agents fouiller la chambre de l'accusé dans la maison de son oncle. De cette perquisition, les deux hommes revinrent bientôt avec le portefeuille en cuir rouge à coin d'acier qu'on connaissait bien, le vieux gentleman ayant eu l'habitude de le porter sur lui depuis des années. Son précieux contenu, cependant, avait disparu et le magistrat essaya vainement d'arracher au prisonnier un mot sur l'emploi qu'il avait fait de l'argent ou l'endroit où il l'avait caché. De fait, M. Pennefeather niait obstinément savoir quoi que ce fût. Les agents avaient également découvert, entre le sommier et le matelas du malheureux, une chemise et un foulard, tous deux marqués à ses initiales et tous deux horriblement trempés du sang de la victime. On en était là quand on annonça que, succombant aux blessures qu'il avait reçues, le cheval de l'homme assassiné venait de mourir à l'écurie. M. Goodfellow proposa qu'on fît sans délai l'autopsie de l'animal afin, si possible, de retrouver la balle. Ce qu'on fit. Et comme pour démontrer de façon indiscutable la culpabilité de l'accusé, M. Goodfellow, après avoir longuement exploré le poitrail de la bête, réussit à entrevoir et à extraire une balle de dimension anormale qui, à l'examen, se révéla du calibre même de celle tirée par le fusil de M. Pennefeather, alors qu'elle était beaucoup trop grosse pour pénétrer dans le canon de l'arme d'aucune autre personne du village ou des environs. Confirmant encore cette certitude, on découvrit que cette balle avait un défaut, ou une paille, à l'endroit ordinaire de la soudure, et il apparut que cette légère dépression correspondait exactement à un petit renflement dans une paire de moules dont l'accusé lui-même reconnut qu'elle était sa propriété. Cette balle découverte, le magistrat instructeur refusa d'entendre aucun témoignage supplémentaire et décida immédiatement de renvoyer le prisonnier devant ses juges, s'opposant même à sa mise en liberté provisoire. Encore que M. Goodfellow se fût énergiquement élevé contre cette sévérité et eût offert de verser pour M. Pennefeather une caution, si forte qu'elle fût. Cette générosité du vieux Charley était bien dans le caractère de l'homme, dont, durant tout le temps qu'il avait vécu à Rattleboro, on avait apprécié les manières sympathiques et le dévouement. Dans le cas présent, le brave homme se laissait si absolument emporter par l'excès même de son amitié qu'il semblait, quand il s'offrait à payer la caution, avoir totalement oublié qu'il ne possédait pas au soleil un bien qui valut seulement un dollar. Le résultat des poursuites peut se deviner aisément. M. Pennefeather, au milieu des cris de haine de tout Rattleboro, fut amené devant ses juges à la session criminelle la plus proche. Là, la chaîne des preuves indirectes, renforcée comme elle l'était par quelques détails supplémentaires que la conscience exigeante de M. Goodfellow lui interdisait de cacher à la cour, apparut si complète et l'ensemble si concluant que les jurés, sans quitter leur siège, rendirent immédiatement un verdict de culpabilité de meurtre sans circonstances atténuantes. Peu après, le malheureux était condamné à mort et reconduit à la prison du comté pour y attendre l'inexorable vengeance de la loi. Dans l'intervalle, la noble conduite du vieux Charlie Goodfellow lui avait fallu un redoublement d'estime de la part des honnêtes citoyens du village. Il devint 10 fois plus populaire que jamais, et conséquence naturelle des invitations qu'on lui prodiguait, il se départit un peu par force des habitudes d'extrême parcimonie que la pauvreté l'avait jusqu'alors contraint d'observer. Très fréquemment, il donnait chez lui de petites réunions où régnait l'esprit et la belle humeur, quelque peu tempérée bien entendu, par le rappel occasionnel du mélancolique destin qui attendait à brève échéance le neveu de l'homme regretté qui avait été l'ami intime du généreux amphitryon. Un beau jour, le vieux gentleman eut l'heureuse surprise de recevoir la lettre suivante. « Charles Goodfellow, Esquire, à Rattleborough, de H.R. & Co. Monsieur Charles Goodfellow, cher monsieur, conformément à un ordre qui était transmis à notre maison il y a environ 2 mois par notre estimé client, M. Barnabas Shuttleworthy, nous avons l'honneur de vous expédier aujourd'hui à votre adresse une double caisse de Château Margaux, cuvée antilope, cire violette, caisse numérotée et marquée comme indiqué ci-contre. Nous restons, monsieur, vos très dévoués Hogs, Frogs, Bugs and Co. Bill de X, le 21 juin 1800 et quelques. P.S. L'envoi vous arrivera, par voie de fer, le lendemain de la réception de cette lettre. Nos respects à M. Shuttleworthy, H.F.B. & Co. M. Goodfellow avait, depuis la mort de M. Shuttleworthy, abandonné tout espoir de jamais recevoir le château Margaux promis. Le fait qu'il allait lui parvenir maintenant lui apparut donc comme une attention toute spéciale de la Providence à son endroit. Il était ravi, bien entendu, et dans l'excès même de sa joie, il invita bon nombre de ses amis à un petit dîner pour le lendemain, à seule fin d'entamer avec eux le cadeau du bon vieux M. Shuttleworthy, nom qu'il eut, en faisant ses invitations, fait allusion au bon vieux M. Shuttleworthy. À la vérité, ayant bien réfléchi, il préféra ne rien dire du tout. Il ne dit à personne, si je me souviens bien, qu'il avait reçu du château Margaux en cadeau. Il pria simplement ses amis de venir l'aider à boire quelques bouteilles d'un vin de haute qualité et de bouquets exceptionnels qu'il avait commandé à la ville 2 mois plus tôt et dont la livraison lui sera faite le lendemain. Je me suis souvent demandé pourquoi le vieux Charlet en était arrivé à conclure qu'il ne dirait pas que ce vin lui venait de son vieil ami, mais je n'ai jamais pu comprendre la raison précise de ce silence, encore qu'il eût pour cela quelques raisons excellentes et sans doute fort délicates. Le lendemain arriva enfin, et avec lui une compagnie nombreuse et très respectable qui envahit la maison de M. Goodfellow. En fait, il y avait là la moitié du village, j'étais du nombre, mais au vif désappointement de l'hôte, le château Margaux n'arriva qu'à 1 heure tardive, alors que les invités avaient fait belle et bonne justice du somptueux dîner à eux offert par le vieux Charlet. Il arriva pourtant, et c'était une énorme caisse, de dimensions monstrueuses, et comme tout le monde était d'excellente humeur, on décida, sans avis contraire, de la poser sur la table pour voir, sans plus attendre, ce qu'elle avait dans le ventre. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'aidai les autres, et en un clin d'œil, nous eûmes placé la caisse sur la table, au milieu des verres et des flacons, dont plus d'un fut pulvérisé au cours de l'opération. Le vieux Charlet, qui était passablement ivre, avec un visage terriblement rouge, s'installa sur une chaise, avec un air de dignité offensée, au bout de la table, et frappant dessus avec une carafe, réclama de l'assistance en peu de tenue durant la cérémonie d'exhumation du trésor. Il y eut quelques cris, puis le calme se rétablit enfin, et comme il arrive souvent en pareil cas, un profond silence suivit. Pris de faire sauter le couvercle, je m'exécutais, bien entendu, avec infiniment de plaisir. J'insérais un ciseau à froid dans la rainure, je frappais quelques légers coups de marteau, et soudain, le dessus de la caisse voula en l'air, cependant que surgissait, assis et faisant face à l'amphitryon, un corps sanglant et meurtri, le cadavre déjà demi-putréfié de M. Shuttleworthy. Durant quelques secondes, ses yeux vitreux posèrent sur M. Goodfellow, un regard immobile et plein de tristesse, puis d'une voix distincte et ferme, il articula les mots « C'est toi !» Après quoi, comme satisfait, il retomba sur le côté de la caisse, cependant que ses bras raidis s'abattait au-dessus de la table en tremblotant. La scène qui suivit défie toute description. Il y eut une terrible ruée vers les portes et les fenêtres, et devant l'horrifiant spectacle, plus d'un, parmi les hommes solides qui se trouvaient là, s'évanouirent bel et bien. La première peur passée, tous les yeux se tournèrent vers M. Goodfellow. Vivrai-je un millier d'années, je ne pourrais oublier l'expression de mortelle agonie qui se peignait sur son visage affreusement pâle, ce visage tout à l'heure encore vermeil, sous la double action de la réussite et du vin. Pendant plusieurs minutes, il resta là, assis, rigide comme une statue de marbre. Ses yeux, qui semblaient ne pas voir, demeuraient fixes et donnaient l'impression qu'il regardait à l'intérieur de l'homme, comme absorbé dans la contemplation de son âme de misérable assassin. Enfin, on vit à leur expression qu'ils se reportaient sur le monde extérieur. D'un bond, M. Goodfellow quitta sa chaise pour s'affaler lourdement, la tête et les épaules sur le cadavre, cependant que d'une voix sèche, à mots pressés, il faisait une confession détaillée du crime horrible qu'il avait commis et pour lequel M. Pennefather était alors emprisonné et promis à la mort. Ce qu'il raconta, c'était en substance ceci. Il avait suivi M. Shuttleworthy jusqu'au voisinage de la mare. Là, il avait abattu le cheval d'un coup de pistolet et assommé le cavalier avec la crosse de son arme. Il s'était emparé du portefeuille et, supposant la bête morte, l'avait non sans peine traîné à travers les buissons jusqu'à la mare. Sur sa propre monture, il avait alors chargé le corps de sa victime pour aller l'enfouir dans les bois, à bonne distance, en un endroit où il était sûr qu'on ne le rechercherait pas. Le gilet, le couteau, le portefeuille, la balle, tout avait été disposé par lui afin d'être trouvé. Il n'avait agi que dans le dessein de tirer vengeance de M. Pennefather, et c'était lui aussi qui avait provoqué la découverte du foulard et de la chemise tachée de sang. Vers la fin de cet effroyable récit, le coupable se mit à parler d'une voix blanche et affaiblie. Quand il eut terminé, il se dressa, recula d'un pas, s'éloigna de la table et tomba, mort. C'est par des moyens, la vérité des plus simples, encore qu'efficaces, que lui avait été arrachée cette confession arrivée si à propos. La franchise excessive de M. Goodfellow m'avait écœuré et avait dès l'origine éveillé mes soupçons. J'étais là quand M. Pennefather l'avait frappé, et l'expression de haine qui, à ce moment-là, avait marqué son visage, encore que fugitive, m'avait convaincu que M. Goodfellow tiendrait sa promesse et se vengerait s'il en avait la possibilité. Je me trouvais donc préparé à voir les manœuvres du vieux Charley dans une lumière tout autre que celle sous laquelle elles apparaissaient aux braves gens de Rattleboro. Je compris tout de suite que tous les indices, qui directement ou indirectement accusaient M. Pennefather, étaient amenés au jour par lui. Mais le fait qui m'ouvrit définitivement les yeux à la vérité, ce fut l'histoire de la balle trouvée par M. Goodfellow dans le cadavre du cheval. Contrairement à tous les habitants de Rattleboro, je n'avais pas moi oublié qu'il y avait un trou à l'endroit où le projectile avait pénétré dans l'animal et un autre à celui où il était sorti. Si la balle avait été trouvée dans la bête, il était évident qu'il fallait qu'elle eût été mise là par la personne qui l'avait découverte. La chemise et le foulard ensanglanté me confirmèrent dans l'idée que la balle m'avait suggérée. À l'examen, en effet, le sang s'était révélé n'être qu'un honnête vin rouge et rien de plus. Quand j'eus longuement réfléchi sur tout cela, et aussi sur les dépenses excessives effectuées en ces derniers temps par M. Goodfellow, je conçus des soupçons que je gardais pour moi, mais qui n'en étaient pas moins forts. J'entrepris donc personnellement de très sérieuses recherches pour découvrir le corps de M. Shuttleworthy. Pour des raisons évidentes, je portais mes investigations aussi loin que possible des lieux sur lesquels M. Goodfellow avait conduit l'expédition. Avec ce résultat qu'au bout de quelques jours, je vins rencontrer un vieux puits à sec dont l'ouverture était à peu près cachée par les ronces. Au fond, je découvris ce que je cherchais. Il se trouvait que j'avais entendu la conversation entre les deux vieux camarades quand M. Goodfellow, usant de flatterie, avait amené son hôte à lui promettre une caisse de Château Margaux. Le renseignement me servit pour dresser mon plan. Je me procurai une forte baleine que j'enfonçai par la gorge à l'intérieur du cadavre avant de déposer le corps dans une vieille caisse, en prenant soin de le plier en deux sur lui-même en même temps que la baleine. Cela fait, il me fallut presser fortement sur le couvercle pour le maintenir en place, tandis que je le fixais avec des clous. Je savais parfaitement, bien entendu, que les clous enlevés, le dessus de la caisse bollerait en l'air, cependant que le cadavre se dresserait sur son séant. La caisse ainsi préparée, je la marquai et numérotai, comme je l'ai dit, portant dessus l'adresse de M. Goodfellow. Après quoi, je lui écrivis une lettre sur le papier des négociants en bain avec lesquels M. Shuttleworthy était en rapport, puis donnai des instructions à mon valet pour qu'un signal donné par moi, il amenât la caisse sur une brouette à la porte de M. Goodfellow. Pour les quelques paroles que je me proposais de faire prononcer au cadavre, je m'en remettais avec confiance à mes talents de ventriloque. Quant à l'effet qu'il produirait, je comptais sur la conscience de l'abject assassin. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à expliquer. M. Pennyfeather, remis en liberté sans plus attendre, hérita la fortune de son oncle et, instruit par les leçons de l'expérience, ouvrit un nouveau chapitre de son existence. Il devait par la suite mener jusqu'à la fin de ses jours une vie toute différente de l'ancienne et heureuse. Ainsi s'achève « C'est toi » par Edgar Allan Poe.